Notre objectif est de vous satisfaire. Et enfin, la graine de star de ce 46e numéro répond au nom de Valencia Laguerre. Graine de star, jeune talent deviendra grand. Chaque semaine, Billboard vous présentera un jeune à l'avenir prometteur. Billboard, en collaboration avec BIB Records et Roroli Studio, vous offre désormais un tout nouveau format pour la rubrique Graine de star. Et justement, c'est Valencia qui ouvre le bal. Et pour ce nouveau format, des musiciens font leur entrée dans la danse. Ainsi, la jeune chanteuse sera accompagnée de celui qui se fait appeler Jeff Sachs, Edison Tillus au clavier et Watson Joseph à la basse. Et c'est parti. I told